gouvernance dans les espaces ruraux et périurbains, mais aussi à l'interface. On verra qu'il y a pas mal de choses à l'interface rurale-urbaine, mais pas seulement. Si je vais présenter un travail là-dessus, c'est également un travail collectif. Les résultats sont issus d'un travail collectif. Donc un travail collectif qui est celui qui est mené dans le cadre de notre équipe, Proximité, qui est une équipe qui fait partie de l'UMR S'Adapte, donc INRA et AgroParisTech, dans lequel on a un groupe de travail sur les conflits. Donc on font partie Luc Bossuet qui est ici, également Romain Melot qui est sociologue, Ségolène Darly qui est géographe, puis sur la place de Paris on travaille avec des gens comme Thierry Kirat par exemple, puis différentes personnes en doctorat. Et puis c'est également un programme qui est un peu plus large, mais j'en redirai quelques mots tout à l'heure, puisqu'on a pu, grâce à l'aide de quelques financements publics, en particulier de l'ANR, mener des recherches avec différentes équipes un petit peu partout en France sur cette question. Donc avant de commencer, je vais peut-être me présenter moi aussi, en deux mots. Donc je m'appelle André Thor, je suis économiste, je suis directeur de recherche à l'INRA, j'appartiens à AgroParisTech, je suis également directeur des programmes PSDR, qui sont les programmes pour et sur le développement régional, qui couvrent une dizaine de régions françaises dans lesquelles il y a toute une série de projets de nature pluridisciplinaire et partenariale. Et pour terminer avec ce que je fais, je peux également dire que je suis président de la SRVLF, c'est-à-dire l'Association de sciences régionales de langue française, qui regroupe l'essentiel des personnes qui travaillent sur ces questions en France. Et je suis rédacteur en chef de la Revue d'économie régionale et urbaine, la RERU, et de GES, c'est-à-dire Géographie, économie et société. Alors, pour en venir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, cette question des conflits. Alors, attention, j'ai préparé un truc lourd, ça va être indigeste, je vous préviens. Donc, après manger. Heureusement que ce n'est pas à 14h. Oui, voilà, on avait prévu. Vous avez prévu le coup. Donc c'est un peu... Michel m'a dit, vas-y, n'hésite pas, lâche-toi. Donc j'ai suivi son conseil. Je vais vous parler des questions de conflit dans les processus de gouvernance et de développement des territoires, donc les conflits d'usage et de voisinage, à partir de recherches que nous avons menées sur l'exemple français, c'est-à-dire je vais à la fois parler des résultats que nous avons obtenus sur différents terrains, évidemment je serai assez schématique, même si ça sera un peu long, et puis je ferai part de quelques réflexions que l'on a à l'heure actuelle sur le lien entre conflit et gouvernance, conflit et développement des territoires, qui était l'objectif initial de notre travail, qui maintenant, après une dizaine d'années d'efforts, commence à déboucher. Alors, première chose, première constatation, c'est la réalité française, au moins française, de la montée de la conflictualité autour des usages de l'espace. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de constatations empiriques qui montrent qu'il y a un accroissement, une augmentation de la conflictualité. C'est les résultats des tribunaux, par exemple, et puis, avec une augmentation du nombre de conflits, j'en aurai un petit exemple dans un instant, c'est également, on trouve ça dans les articles de presse dans lesquels les questions de conflits sont de plus en plus portées et multipliées. Mais c'est aussi une constatation qu'on fait tous les jours. Il est de plus en plus difficile, on le sait tous, de mettre en œuvre des projets importants, en particulier des projets de construction d'infrastructures privées, mais surtout publiques. Tout le monde a des exemples en tête d'aéroports qui ne se sont jamais faits, d'autoroutes qui ont eu une naissance très difficile, ou de lignes de TGV, ne parlons pas des infrastructures de traitement des déchets, où par exemple en Île-de-France, il est impossible de construire la moindre infrastructure depuis une dizaine d'années maintenant. Donc on a tous à l'exemple cette histoire du conflit qu'on appelle parfois du vilain nom de NIMBY. Donc un petit exemple, juste les affaires nouvelles enregistrées par les tribunaux administratifs en matière d'urbanisme et de travaux publics. C'est la ligne grisée. Donc là, malheureusement, on n'a pas beaucoup de statistiques très très récentes, mais on constate quand même que sur un certain nombre de plans, quand on arrive à éliminer ou à sélectionner ce qui concerne les conflits d'usage voisinage sur les tribunaux, on a une augmentation relativement importante. Alors pourquoi cette montée de la conflictualité? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de conflits, ou qu'il y en a de plus en plus, disons? Alors il y a un certain nombre d'hypothèses que vous connaissez comme moi et qui sont avancées par les spécialistes des conflits ou par les personnes qui s'interrogent à cette question. Première hypothèse, est-ce que ça ne serait pas un accroissement de la complexité des modes de production et des problèmes techniques? Par exemple, aujourd'hui, construire une ligne TGV implique une dimension techniques ou des dimensions techniques très importantes qui font que le fait d'arriver à combiner tout ça avec des exigences de sécurité, des exigences sanitaires, des exigences environnementales, des exigences sociales, ceci dans des régions avec une forte pression et un fort manque d'espace est important. Est-ce que ça ne serait pas, autre explication, une complexification de la société ? C'est-à-dire on serait dans un monde dans lequel on a une plus grande homogénéité de la société avec des catégories ou des classes sociales différentes qui ont des attentes différentes, ce qui fait que ça renforcerait les antagonismes entre personnes ou entre classes. Autre hypothèse avancée, c'est la rareté des ressources. Rareté des ressources qui conduirait à des concurrences. Par exemple, rareté des ressources en termes de sol dans les espaces périurbains, hein, typiquement. Est-ce que ça ne serait pas un effet d'optique de la judiciarisation ? Dire le fait qu'aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel, un peu à l'américaine, dans lequel on passe systématiquement aux tribunaux quand il y a un problème, avec l'exemple qu'on nous donne toujours du maître d'école qui est porté aux tribunaux parce que, au tribunal parce qu'une petite fille est tombée ou un petit garçon est tombé de la balançoire. Bon, est-ce que ça ne serait pas ça ? Bon, est-ce que ça serait un peu tout ça ? Bon, voilà, donc, on a des hypothèses qui sont avancées, mais aucune n'est vraiment déterminante ou n'est vraiment avérée. Le corollaire de ces interrogations, c'est l'interrogation sur la nature des conflits. Finalement, ces conflits d'usage et ces conflits de voisinage, est-ce qu'ils sont négatifs en soi ? Est-ce que c'est quelque chose de mauvais ? Est-ce qu'ils sont néfastes à la société ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont porteurs de problèmes, de blocages ou autres ? Est-ce qu'ils sont néfastes au processus de développement en particulier ? C'est-à-dire, est-ce que, finalement, on entend souvent dire, trop de conflits empêche de se développer, on ne peut plus arriver à faire développer comme on veut. Finalement, on va faire les choses ailleurs parce que ça pose beaucoup de problèmes. Évidemment, ça pose également la question du traitement des conflits d'usage. Comment faut-il traiter ces conflits d'usage ? Est-ce qu'il faut chercher l'éradication des conflits, à supprimer ? Est-ce qu'il faut chercher la résolution ? Vous savez qu'il y a tout un courant qui existe depuis les années 50-60 qu'on appelle conflict resolution. Si vous tapez ce terme sur Internet, vous allez tomber sur le site Conflict Resolution, qui est l'association de résolution des conflits, qui agit au niveau mondial avec de très nombreux groupes régionaux des déclinaisons, et qui se fait fort de résoudre tous les types de conflits, du conflit avec votre voisin, jusqu'au conflit israélo-palestinien, en passant par des conflits d'usage et de voisinage. Faut-il les piloter, ces conflits ? Est-ce qu'il faudrait arriver à tenir un peu comme sur le dos du cheval les chaînés, ou est-ce qu'il faut les laisser vivre, finalement ? Là aussi, finalement, aujourd'hui, c'est pas si tranché que ça, alors qu'on sort quand même d'un monde, j'en reparlerai, dans lequel la dimension conflict resolution était absolument dominante et déterminante. Enfin, autre question qui nous rapproche de notre objet, c'est la question des impacts de ces conflits sur les territoires, hein. C'est la question du développement des territoires et de la gouvernance des territoires. Quel est là, à partir du moment où on est à la recherche du développement ou de la décroissance éventuellement, enfin d'une évolution des territoires, quel est le rôle, quel est l'impact de cette conflictualité croissante, et quel est l'impact sur les modes de gouvernance aussi ? Est-ce que c'est un obstacle au développement, comme on l'entend souvent dire, j'ai mis « obstacle » entre guillemets ? Est-ce que c'est un frein à la bonne gouvernance des territoires ? Finalement, on dirait, il y a tellement de conflits qu'on n'arrive même plus à gouverner correctement, on ne peut plus s'entendre, etc. Est-ce que c'est une péripétie sur le long chemin, la longue route, le long fleuve du développement des territoires ? Bon, ce n'est pas tranché non plus, c'est une question qu'on commence à voir apparaître et qui mérite de s'y pencher. Alors voilà comment je vais essayer de m'y prendre pour... non pas pour répondre à toutes ces questions, bien sûr, mais pour essayer justement de ne pas y répondre. Donc je vais commencer par dire quelques éléments sur la gouvernance des territoires. Ensuite, je vous présenterai le programme de recherche sur les conflits, notre programme. Et puis, j'avancerai quelques résultats empiriques et des résultats analytiques. Ensuite, je présenterai très rapidement un petit exemple en Île-de-France, qui est le cas des conflits et coopérations dans le cas du plateau Briard en Île-de-France, hein, qui a été réalisé par une de mes doctorantes. Et puis j'aborderai enfin quelques conclusions provisoires sur le lien entre conflits et gouvernance des territoires. Donc, vous voyez, c'est assez roboratif. Hein. Donc, commençons par la question de la gouvernance des territoires, hein, et du lien entre gouvernance et développement territorial. Ce lien entre gouvernance et développement des territoires où est-il? Eh bien, si je veux le résumer très simplement, hein, très simplement, je dirais que pour se développer, il faut, pour développer les territoires, pour se développer, il faut gouverner aussi. Hein, on ne peut pas envisager aujourd'hui, dans nos sociétés en particulier, de un laisser-faire, un laisser-aller complet, ne serait-ce parce que, je vais y revenir, il y a toute une série de réglementations, de lois, de groupes de pression, etc. Qui, donc il faut gouverner cet ensemble. Je n'essaierai pas de définir la gouvernance des territoires, je ne m'y risquerai pas ici, je ne risquerai pas par ailleurs, mais pas aujourd'hui. En tout cas, ce qui est important, c'est l'idée de l'agir ensemble dans les processus de développement territorial. C'est-à-dire qu'on doit s'occuper ensemble des territoires, les acteurs qui sont sur les territoires, différents acteurs, pour l'instant je les mets en vrac, et puis il faut avancer, hein, d'où le terme développement, etc. Deuxième élément, c'est qui est lié à celui-là, c'est la dimension d'accord entre les parties prenantes. Il faut qu'il y ait un minimum d'accord pour fonctionner ensemble, et puis il faut qu'il y ait des projets communs. C'est la manière de se projeter dans le futur, d'avancer, et d'avancer entre différents types d'acteurs qui sont des pouvoirs publics, nationaux ou leur déclinaison locale ou territoriale, des entreprises, des exploitations, des résidents de différentes natures, des administrations, des associations, etc., etc. Tout ce monde-là, comment est-ce que on le gouverne, comment est-ce qu'il se gouverne? Alors, quels sont les objectifs de la gouvernance territoriale? Quand on passe de gouvernance des territoires à de gouvernance territoriale, ben évidemment, c'est une diapo idéale, hein, celle-là. Hein. Donc, c'est favoriser, élaborer des projets de développement territorial, voilà. Coordonner de nombreux acteurs hétérogènes, par exemple, dans les territoires ruraux, on souligne à volonté, dans de nombreux travaux comme ceux d'Hervieux-Viard, ou plus près de vous, beaucoup de travaux qui ont été menés ici, en particulier par Marcel, eh bien on souligne à volonté l'idée que les espaces ruraux, qui étaient relativement homogènes depuis le XVIIIe siècle, depuis le XIXe siècle, disons, ont recouvré une hétérogénéité importante, avec non seulement des agriculteurs, mais également des exploitations agricoles, des associations, des nouveaux résidents, des services, etc. etc. Comment fait-on donc pour coordonner ces nombreux acteurs hétérogènes? Ils le sont encore plus dans les zones périurbaines, par exemple, ou urbaines. Comment éviter aussi que ces acteurs s'en aillent, partent? Comment éviter la désertification, c'est-à-dire l'absence de projet, le fait de non-coordination, etc. Comment peut-on éviter les affrontements bloquants, hein? Et comment peut-on décider des chemins du but de développement, hein, dans ces bifurcations? Comment est-ce qu'on peut se situer et arriver à décider un peu de son futur? Donc, quelle gouvernance? Ou en fait, c'est quoi cette gouvernance, hein? Alors, je vais essayer d'en dire quelques mots sur cette gouvernance, juste pour rappeler quelques points, pour les fixer en tête avant, et ça me permettra de passer au conflit. Hein. Donc, la gouvernance, quand on entend la gouvernance territoriale, c'est un certain nombre de choses. Alors d'abord, ce sont les politiques et l'action publique. C'est ce qu'on entend souvent de la manière la plus simpliste. La gouvernance, c'est les politiques et l'action publique, c'est-à-dire les lois au niveau national, ça veut dire les règlements nationaux ou internationaux, les politiques publiques, nationales, décentralisées, européennes, etc. Les documents d'urbanisme, hein, les PLU, les POS, toutes ces choses-là qui s'appliquent, hein, qui sont des politiques, qui sont des politiques publiques ou de l'action publique, les zonages territoriaux environnementaux, les zonages Natura 2000, les ZNIEF, les directives Habitat, etc., etc. Tout ça, c'est des politiques et de l'action publique. Mais la gouvernance territoriale, c'est pas seulement ça. Hein. La gouvernance territoriale, c'est aussi les actions de coordination qui sont menées par des acteurs privés ou semi-publics. Hein. Donc, ce ne sont pas seulement les politiques ou l'action publique. Hein. Donc, c'est des groupes d'acteurs locaux. Hein. Par exemple, les coopératives, les groupements de producteurs dans l'agriculture ou l'agroalimentaire, les réseaux d'innovation, de transfert de technologies, hein. Les pôles de nature diverses, pôles d'excellence rurale, pôles de compétitivité, les grappes d'entreprise maintenant, les systèmes locaux de production, etc., etc. Des syndicats de gestion de la production, comme les appellations d'origine contrôlée, ou des syndicats de gestion du territoire, comme les syndicats de bassin versant, les SAGE ou autres. Et puis, le tissu, le milieu associatif, avec toute l'importance qui a été, par exemple, avéré par des auteurs comme Lascoum, qui ont montré à quel point cette dimension associative était devenue importante et tenait un rôle fort dans les territoires. Alors, comment est-ce qu'on gouverne tout ça? tout ce petit monde, hein, c'est-à-dire les pouvoirs publics, les tenant compte des lois, des règlements, des zonages, des injonctions de l'action publique, avec les entreprises, les exploitations, les particuliers, les résidents, les associations. Comment est-ce qu'on fait ? Les communes, bon, etc. Les différents niveaux de la gouvernance. Eh bien, il faut gouverner ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire gouverner ensemble ? Qu'est-ce que ça veut dire gouverner ensemble ? Est-ce que ça veut dire coopérer ? Alors, il y a une mythique depuis quelques années, je dirais qu'on en touche la fin maintenant. Il y a une mythique depuis une vingtaine d'années, un petit peu plus peut-être, qui est la mythique de la coopération, je l'appelle comme ça, mais on peut l'appeler aussi la mythique de la négociation, la mythique de la concertation, qui consiste à faire penser, ou à considérer plutôt, que la dimension coopérative, la dimension de négociation est absolument première, et qu'il faut concentrer tous les efforts pour avoir des solutions négociées ou des solutions concertées, et qui fait que c'est sur cette base-là qu'on pourrait construire évidemment une bonne gouvernance et avoir un bon niveau de développement, ce qui veut dire aussi une éradication des oppositions ou une mise sous le boisseau des conflits et des facteurs de la dissension. Il y a un certain nombre de solutions. Je vais donner la traduction opérationnelle dans le prochain transparent, mais dans ce transparent, je vais juste donner la traduction en termes dans la littérature, en particulier économique et de gestion. Il y a toute une littérature qui est sur ces processus de coordination, hein. Donc en particulier tous les travaux portant sur le théorème de cause, hein, la solution causienne sur les territoires, c'est-à-dire cause et le prix Nobel d'économie pour ça, c'est-à-dire la coopération. Comment fait-on pour coopérer en limitant les coûts de transaction entre les acteurs, hein, on coopère pour se développer. La deuxième, qui est une solution de type néoclassique, c'est l'optimum du choix public, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour décider de la meilleure voie de développement, c'est par le vote. Donc c'est parti des approches des théoriciens du choix public dans les années 50, et ça va jusqu'aux approches d'Amartya Sen, hein, donc il y a un très bon article aujourd'hui sur son dernier bouquin dans Libération. Hein. C'est également l'approche en termes de réseau d'acteurs, hein, qui a été popularisée par les économistes et les sociologues, hein, les réseaux au niveau local, les coopérations, etc., les acteurs les acteurs pluriels, etc., et puis les approches de la négociation. Je ne vais pas les détailler, mais on a toute une littérature qui met en évidence ces solutions coopératives et qui nous explique comment on fait pour arriver à des solutions coopératives pour gouverner et pour se développer. Maintenant, si on reprend le niveau concret, j'ai repris ce petit schéma de Jean-Eudes Beuret, hein, d'un bouquin de Jean-Eudes en 2006, dans lequel Jean-Eudes Beuret explique très bien les différentes étapes qui sont appliquées dans les procédures de débat et de décision, et qui vont de la communication jusqu'à la négociation. Ces différentes étapes, je les ai reprises ici, hein. Donc la communication, c'est l'idée de faire passer un message, d'obtenir l'adhésion du public à une proposition, donc on a un niveau faible. L'information, mettre au courant un groupe des intentions des décisions prises. La consultation, on consulte sans aucune garantie quant à la prise en compte des avis exprimés. Le dialogue, on dialogue sur un pied d'égalité. La concertation, construction commune des éléments en vue d'une solution, etc. Négociation. Donc on va du plus simple au plus concerté, au plus négocié, qui fait qu'on a toutes ces étapes qui sont mises en place, et ces étapes sont bien illustrées par exemple, toute la multiplication des étapes aujourd'hui de la décision publique et la complexification qui a été mise en place en quelques années avec les déclarations d'utilité publique, les enquêtes publiques, la mise en place de la commission du débat public, etc., etc. Une complexification des étages de la décision publique, les groupes de consultation des citoyens, etc. Une consultation qui a abouti, évidemment, à un développement très important de la conflictualité. Bien sûr, puisque de manière légitime et normale, cette concertation accrue, cette négociation accrue, a créé un niveau d'information dans les populations, et ce niveau d'information, eh bien, a permis qu'aujourd'hui on a des populations, j'en reparlerai tout à l'heure, bien plus averties et qui sont beaucoup plus aptes à rentrer dans le conflit, beaucoup plus tôt, et à défendre leurs intérêts de manière plus puissante. Hein. Je ne le développerai pas ici, mais par exemple, on est en train de finir un travail sur les problématiques de conflits liés à décision publique en matière de voies de communication en région Île-de-France. On voit très bien à quel point la multiplication, la complexification de la décision publique a amené à une recrudescence des conflits. Alors, j'ai presque terminé avec cette première partie. Hein. Ça pose un certain nombre de problèmes, on touche un certain nombre de limites. La première, c'est comment intégrer correctement la décision publique et sa contestation dans la mythique que l'on a vue auparavant, c'est-à-dire à partir du moment où on a une mythique de la négociation et de la concertation, avec des objets, avec des outils assez directifs quand même, il faut bien le dire. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer la contestation ? La contestation des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, la contestation de la mise en place des infrastructures. Ben, on ne sait pas trop. Hein. Effectivement, vous le savez comme moi, souvent on se heurte au problème qu'on a informé, on a ouvert les cahiers de doléances, et puis à la fin on a pris une décision et cette décision est massivement refusée ou rejetée. Pourquoi ? Deuxièmement, autre problème, comment faire pour ne pas réduire les manifestations de la conflictualité à des syndromes NIMBY, hein, ce vilain nom, not in my backyard, c'est-à-dire qui fait que finalement on rejette les comportements des individus dans l'égoïsme, en disant bah, finalement les gens sont vraiment pas gentils, ils veulent bien qu'il y ait une infrastructure, mais surtout pas à côté de chez eux, et donc c'est vraiment pas bien d'être comme ça. Il faudrait arrêter, ou il faut les empêcher de devenir comme ça. Comme si personne n'avait de stratégie, personne n'avait de tactique, et comme si vous, autour de cette table, vous n'aviez pas vos petites stratégies ou vos petites tactiques, ne serait-ce par rapport à vos objectifs propres. Ce qui est le cas de n'importe quel individu qui calcule, hein, bien sûr. Bon, donc cette vision, elle exclut la dissension, ou en tout cas, elle la réduit à l'acceptabilité, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour faire accepter cette décision par les populations. Souvent, c'est la question qu'on nous pose, nous, on la pose peut-être aussi, vous êtes spécialiste des conflits, comment on fait pour faire accepter. Bon, dites-nous, soit comment on arrête, première approche la plus simple, comment on arrête les conflits, ou alors, si c'est un peu plus sophistiqué, ben, comment on peut faire pour faire accepter ce qui se passe là. On a une très bonne décision, et les gens ne l'acceptent pas, ils ne comprennent pas, ils sont tellement égoïstes qu'ils ne l'acceptent pas. Alors, dites-nous comment on va faire. Alors, je ne prétends pas que je vais vous donner la réponse aujourd'hui. Alors, ce préambule sur la gouvernance et le développement avait donc vocation à présenter les problématiques de la gouvernance et à expliquer pourquoi ça pouvait être important dans les problématiques de développement des territoires, et aussi pourquoi la mythique de la négociation et de la concertation a présenté beaucoup de vertus, mais ne présentait pas la qualité de pouvoir répondre à l'aspect dissensif des opinions. Donc maintenant, je vais aller sur notre programme de recherche sur les conflits, qui est un programme que nous avons lancé au début des années 2000, justement pour nous opposer à l'idée du tout négociation ou du tout concertation, non pas pour nous opposer à la concertation ou négociation, mais à l'idée que tout pourrait être résolu par ces dimensions-là. Et les objectifs de son programme sont au moins de quatre natures. D'abord, il s'agit de recenser les conflits d'usage et de l'espace sur le territoire national, important puisque aujourd'hui, il n'y a pas de recension des conflits, il n'existe pas de données sur les conflits, j'y reviendrai. Vous ne pouvez pas aller sur une base de données et prendre une donnée sur les conflits, ça n'existe pas en tant que tel. Deuxièmement, caractériser ces conflits, en particulier en liaison avec les dimensions humaines et géographiques. Hein, je reste très très vague dans les termes. Hein. Troisièmement, faire le lien entre ces dimensions conflictuelles et les processus de développement et de gouvernance des territoires, et puis éventuellement aller plus loin avec des guides de pratique ou autres, de manière un peu plus opérationnelle, mais encore faudrait-il avoir avancé. Alors ce programme, juste pour en dire deux mots, c'est un programme pluridisciplinaire, hein, puisqu'il implique des économistes, sociologues, géographes, psychosociologues, anthropologues, juristes et agronomes. Et c'est un programme, je l'ai dit, qui est centré autour de notre équipe à l'UMR SADAPT, à AgroParisTech, mais qui implique également des participants de différentes origines et différents organismes, comme le CNRS, l'INRA, bien sûr, le CEMAGREF, le CIRAD, les universités, Dauphine, Paris 5, Paris Sud, Montpellier, Dijon, Poitiers et certaines écoles comme AgroParisTech, les NESAD ou les NITAC. Donc au fur et à mesure du temps, on a rencontré ces différents acteurs, on a travaillé, on continue à travailler avec une partie d'entre eux, etc. au cours de différents programmes. Alors comment est-ce que nous procédons ? Nous procédons par l'identification des zones particulières sur le territoire national. En effet, il est impossible de faire une recension de l'ensemble des conflits au niveau national, en tout cas ça dépasse largement les forces dont nous disposons. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment lancer un très gros travail de l'INSEE, par exemple, sur ce cadre. Alors nous, le choix que nous avons fait, c'est de travailler sur une série de zones particulières, et de zones qui présentent des caractéristiques représentatives des différentes dimensions du territoire national, dans la mesure du possible, bien sûr. Alors vous les voyez, elles sont ici, ces zones. Les zones rouges, c'est celles sur lesquelles on a travaillé ou on continue à travailler, et les zones hautes en orange, c'est celles où on commence à travailler maintenant. Je crois qu'il y en a 13. Donc l'ensemble de ces zones, elles ont des caractéristiques qui visent effectivement, et bien sûr, à essayer d'être représentatives. Donc on a des zones de plaine, des zones de littoral, des zones de montagne, des zones plus rurales, d'autres davantage sous pression urbaine. Je pourrais également dire qu'ils sont des zones plutôt situées dans le nord de la France ou dans le sud, à l'est, à l'ouest. Des zones plutôt centrales et puis d'autres périphériques, voire ultra-périphériques. Donc l'idée est d'essayer d'arriver à un panel qui soit plus ou moins représentatif, mais il est évident qu'on ne peut pas prétendre à l'exhaustivité. Alors, quels sont les conflits d'usage qu'on recherche ? Bon, c'est des conflits d'usage de tout type, appelons-les conflits d'usage de l'espace, sont des conflits autour des biens publics de consommation, comme l'air, les aménités paysagères ou autres, autour des ressources, comme l'eau, l'énergie, autour des pollutions, autour des infrastructures, les routes et traitements de déchets, autour des espaces de localisation, de voisinage général, etc. Donc il n'y a pas, ce ne sont pas, nous on réfute l'idée, le conflit environnemental par exemple, le conflit de voisinage, non. Ce sont les conflits dans leur généralité, qui ont des déclinaisons, mais qui intéressent toute une série d'objets. Évidemment, il y a deux dimensions qui apparaissent fortement du coup. C'est la question, une question, je dirais, plus géographique, si on peut dire, la question de la rareté de l'espace. Et puis, autre question, la question des comportements des acteurs, c'est-à-dire comment, finalement, agissent-ils, comment se comportent-ils. On va voir qu'on a toujours ces deux variables qui vont venir interagir de manière très forte. Alors, quelles sont les méthodes d'investigation ? Alors, il y a différentes méthodes d'investigation, mais je dirais que, essentiellement et de manière routinisée, on a trois méthodes d'investigation. La première, c'est l'analyse du contentieux, c'est-à-dire des tribunaux, des jugements, en particulier des jugements de second rang, qui sont faits par les tribunaux judiciaires et par les tribunaux administratifs, on recueille un certain nombre de données à partir des tribunaux. Mais, alors d'abord, premièrement, il faut les construire. Alors, on a la chance d'avoir une base de données qui s'appelle, l'éditeur Lamy s'appelle la base de données LamyLine, qu'on achète et qui recouvre l'ensemble des jurisprudences françaises en permanence et qui en plus remonte dans le temps, de plus en plus. Après, encore faut-il trier les conflits pour avoir les bons conflits qui nous intéressent, bien sûr. Mais tous les conflits ne passent pas devant les tribunaux. Il y a pas mal de conflits qui ne sont pas portés, qui sont des oppositions importantes, mais qui ne passent pas devant la justice. D'où l'intérêt d'avoir une deuxième approche, qui est les analyses de la presse quotidienne régionale, c'est-à-dire études dans chacune des zones qui nous intéressent, du ou des quotidiens régionaux qui retracent les dimensions conflictuelles. Et donc à ce moment-là, on se retrouve avec un grand nombre d'informations que nous recueillons, que nous collectons aussi. Mais évidemment, il y a un biais. C'est-à-dire la presse ne raconte pas tout, la presse ment, la presse euphémise, on oublie des choses, bien sûr. D'où l'intérêt d'avoir une troisième source de données, toujours sur le même territoire, sont les entretiens, les interviews à dire d'experts, c'est-à-dire qu'on on recueille des interviews, environ une cinquantaine d'interviews par zone, et dans lesquelles on va voir des experts du développement local, ça peut être des juges, un journaliste, ça peut être un greffier du tribunal, ça peut être un président du conseil régional, président de la Chambre d'agriculteurs, d'agriculture, etc. etc. Un agent de développement territorial, et on recueille les informations. Sur la base de ces trois types d'informations, eh bien, on triangule cette information et on constitue le conflit, hein, la catégorie conflit, de l'espace. Et on met tout ça dans une base de données. Une base de données conflit. J'aurais pu marquer un petit C, un petit copyright, puisqu'on a mis un copyright dessus. Et puis, on ne se contente pas de ça, parce qu'à côté de ça, on fait toute une série d'autres travaux qui sont en particulier des entretiens à dire d'acteurs, donc avec des poules d'acteurs, et puis des suivis de réunions. Donc, vous voyez que ces travaux entretiens à dire d'acteurs sont faits, ils concernent en particulier les sociologues, mais les sociologues sont aussi concernés avec la première partie, et en particulier les psychosociologues. Psychosociologues ou anthropologues, évidemment, vous imaginez bien qu'ils vont aller dans ce type de méthode. J'en dirai pas plus. Donc, ça veut dire aussi beaucoup de stages, beaucoup de travail de terrain, de différentes natures. Alors, évidemment, notre travail est fondé sur une série d'hypothèses. J'en retiendrai une seule. C'est la distinction entre tension et conflit. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un conflit ? Comment on fait pour constituer cette catégorie conflit, hein, comme je disais à l'instant ? Eh bien, nous faisons une opposition entre tension et conflit. Une tension, qu'est-ce que c'est ? C'est une opposition entre usage ou entre usager. J'aurais pu marquer, je ne sais pas pourquoi j'ai mis entre usage. J'aurais dû marquer entre usager. Une opposition entre usager sans engagement des protagonistes, c'est-à-dire des tensions, ou ce qu'on appelle parfois les conflits latents. Il n'y a rien de plus courant. Hein. Je suis sûr que des tensions, on en a tout le temps dans la vie de tous les jours. Il y en a dans les familles, il y en a dans les couples. Je suis sûr qu'il y en a autour de cette table. Mais ne se transforme pas toujours en conflit. Parce que pour passer de la tension au conflit, il faut un engagement. Et justement, un conflit, on le reconnaît parce qu'il y a un engagement des protagonistes. Et qu'est-ce que c'est que cet engagement ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle, comme c'était défini par la théorie des jeux, en particulier par Schelling, c'est la menace crédible. Une menace crédible, qu'est-ce que c'est ici ? C'est quelque chose qui manifeste que vous rentrez vraiment dans l'engagement. Les sociologues connaissent très très bien ça, bien sûr. Action juridictionnelle, par exemple. Médiatisation, passer devant un tribunal, passer devant la presse, les journaux, la radio, etc. La confrontation, c'est pas la confrontation personnelle, voire violente. La production de signes, interdiction de rentrer sur mon terrain ou barbelé, ou alors ligne à haute tension. Donc, production de signes, donc une distinction entre tension et conflit qui nous permet de reconnaître, d'identifier ce qu'est une tension, ce qu'est un conflit pour nous, et donc de nous intéresser au conflit, c'est-à-dire au conflit avéré par des engagements. Voilà, je crois que j'en ai terminé avec la méthode, la définition de notre mode de travail. Alors j'ai été évidemment très très rapide, parce que ça c'est un travail de 10 ans mené par une équipe qui en permanence coupe au moins 15 à 20 personnes, qui ont pu changer dans le temps. Donc maintenant, quelques résultats empiriques sur les conflits d'usage de l'espace dans le cas français, et donc là aussi en concentré avec le choix de quelques éléments que j'ai jugés les plus intéressants, mais je pourrais juger autrement. Première chose, quels sont les objets des conflits ? Les objets des conflits, c'est important parce que les dynamiques conflictuelles se construisent autour d'un objet. Un objet qui cristallise les désaccords entre différents acteurs. Il peut des fois y avoir plusieurs objets. Mais généralement, on se met d'accord pour se disputer autour d'un objet. Alors, nous, on a toute une liste d'objets, bien sûr. Mais par ordre d'importance dans nos terrains, je donnerai les 5 plus forts, les 5 plus importants, ce qui ressort le plus souvent. L'objet, ça ne va pas vous étonner, l'objet qui ressort le plus souvent, ce sont les questions de constructibilité et de zonage. Donc c'est tout ce qui concerne l'occupation des sols et l'urbanisme, la concurrence foncière, les permis de construire, les plans d'occupation des sols. Et évidemment, c'est un objet qui est particulièrement prégnant dans les zones de forte pression foncière. Donc c'est un gros lien avec le foncier. Par exemple, ce sont les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols, de manière générale, en Île-de-France ou sur les zones côtières touristiques. c'est la problématique de l'agriculture périurbaine dans le Voironnais, dans lesquelles on trouve une agriculture sous la pression du développement et de l'extension de la ville de Grenoble. C'est les problèmes de cabanisation sur le littoral montpelliérain, dans lesquels on voit apparaître des constructions illégales, et tout le problème des conflits que ça crée par rapport aux personnes qui les habitent, aux propriétaires, aux résidents et aux pouvoirs publics. Donc quelque chose de très important. Deuxième objet de conflit sont les conflits autour des infrastructures. Et ce sont des conflits autour des infrastructures. Alors qu'est-ce que ces infrastructures ? Infrastructures destinées au transport, à l'énergie, à la gestion des déchets ou encore à la production industrielle. Privée, mais souvent publique. Donc ça va être... Par exemple, je prends les deux exemples ici, en Seine-Maritime et en Loire-Atlantique, les conflits autour de l'extension des infrastructures portuaires dans les années 2000, avec le programme Port 2000, à Rouen et à Saint-Nazaire, qui vont nécessiter une emprise plus importante de l'infrastructure portuaire et les oppositions qui se font jour, des chasseurs, des agriculteurs, des résidents, des défenseurs de la nature, etc., etc. Même chose, les infrastructures routières en Ile-de-France. C'est un exemple. La 86, par exemple. Une tarte à la crème. Le troisième aéroport, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, du côté de Nantes. Enfin, je vous dis des exemples emblématiques. Troisième objet de conflit, la chasse. Ouais. Alors, la chasse, ça reste une activité, quand même, qui est très... l'activité de loisir qui est très très très développée dans les régions françaises. Et cette activité suscite un certain nombre de conflits qui touchent les modalités d'exercice, vous savez bien, c'est-à-dire les dates d'ouverture, les espèces chassées. Alors bon, nous on a travaillé par exemple sur le col de l'Escriné, puisque ça fait partie de. C'est dans le PNR des Monts d'Ardèche, donc bon, c'est un haut lieu de la chasse à la Bartavelle. Aujourd'hui, maintenant, ça a été acheté, privatisé par les chasseurs. Donc maintenant, c'est fini. Le conflit s'est réglé de cette manière-là. La gestion, Grain-du-Bourg ne peut plus aller se faire frapper comme il faisait tous les ans. La gestion des populations d'animaux, en particulier par exemple la pullulation des sangliers, qui est une problématique très très importante, et très très qui se développe énormément dans le rural mais également dans le périurbain. Là récemment, il y a par exemple cette semaine, il y avait un article dans le courrier de l'environnement. Pas le courrier de l'environnement. Comment ça s'appelle ? Ça ne me revient plus. Ça ne fait rien. Alors, donc, la gestion des populations d'animaux, les sangliers, la cohabitation avec d'autres activités. Chasseurs versus agriculteurs, chasseurs versus résidents, versus randonneurs, etc., etc. Donc, ça pose un problème énorme, très important, en tout cas un fort niveau de conflictualité. Et, par exemple, dans le parc naturel régional des Monts d'Ardèche, eh bien, il y a la pullulation des sangliers amène toute une série de problèmes qui font que les sangliers détruisent non seulement le couvert agricole traditionnel, mais également les chemins de randonnée, donc sont un obstacle au tourisme très important, et un refus des chasseurs de tuer ces sangliers parce qu'ils sont des chasseurs et non pas des viandards, ne veulent pas rentrer dans ce type de problématique. Donc, toute une série de problématiques un petit peu complexes. Alors, autre objet de conflit, alors là je l'ai mis avec un terme d'économiste, très élégant, externalité négative des activités productives. Ça veut dire la pollution, si vous avez fait des fois, vous ne l'auriez pas compris. Donc, la perception de nuisances, pollution, risque, nuisances olfactives, nuisances sonores, etc., par d'autres acteurs. Donc, c'est toutes les pollutions. Par exemple, dans l'Ain, une association se mobilise contre une usine d'écarissage qui est responsable de pollution ponctuelle mais répétée de la rivière Ressoux. C'est un conflit qui dure depuis une vingtaine d'années avec toute une série de pollutions de différentes natures par rapport à ça. C'est très très, c'est extrêmement intéressant. Et on peut avoir des renversements des fois très intéressants. Par exemple, un des renversements qu'on a rencontré au lac de Grandlieu, dans la région de Nantes, c'est avec des problèmes d'élévation du niveau des eaux. Les agriculteurs se mobilisent par rapport aux questions de pollution des eaux, de nature industrielle ou par les touristes. Et on fait des analyses et on s'aperçoit qu'il y a un très fort taux de nitrate dans l'eau, donc ce qui fait qu'on a un renversement du coup des alliances, des choses très intéressantes. Dernier exemple, Luc est là. Donc, tu n'es pas monsieur O quand même, hein, parce que tu arrives de boire un verre aussi d'alcool, mais bon, même d'eau de vie, ouais, c'est vrai. Mais la problématique de l'eau est un objet de conflit multiforme, puisque ce sont les questions de ressources, de risques, de qualité, de quantité, d'accessibilité de l'eau qu'on retrouve partout dans le bassin de la Charente. Luc travaille dans le bassin de la Charente, il y est en permanence. Sur les bassins versants de la Charente et de la Seudre, eh bien, on s'aperçoit que la disponibilité de la ressource en eau et de sa qualité sont à l'origine de conflits, là, un petit peu du tout à l'heure, qui impliquent les ostréiculteurs, les agriculteurs, les professionnels du tourisme, les collectivités, avec un changement, une reconfiguration du pouvoir, si je puis dire, puisqu'on passe d'un système dans lequel les agriculteurs, en particulier les maïsiculteurs, étaient dominants et tenaient, je dirais, les instances locales, en particulier dans le conseil régional, etc. Et maintenant, sous la pression du peuplement du littoral, eh bien, on s'aperçoit que les ostréiculteurs, les représentants de tourisme, etc., occupent une place de plus en plus importante. Et donc, finalement, on a des changements de choix par rapport à cette gestion de l'eau, et évidemment des problèmes de pollution de l'eau qui sont assez importants, en particulier quand les maïsiculteurs font des lâchers d'eau ou encore polluent l'eau avec des pesticides, ce qui arrive jusque au cœur des huîtres. Alors, ça c'était les objets des conflits. Maintenant, plus rapidement, les acteurs en conflit. Quels sont les acteurs que l'on trouve ? Je ne vais peut-être pas commenter ce transparent à fond, ni le suivant, mais juste parce qu'ici, on voit quels sont les acteurs que l'on rencontre. Hein. Beaucoup d'associations, et de particuliers, qui sont dans les acteurs contestataires. Un rôle important de l'État et des collectivités, les acteurs contestataires ou contestés. Et puis, des industriels, des entreprises de services, et puis des agriculteurs qui sont quand même le niveau de conflictualité de l'agriculture, et des agriculteurs est quand même bien plus faible que celui des résidents, des pouvoirs publics, des entreprises de services, etc. Donc on n'est quand même pas au niveau de conflictualité de l'agriculture, et moins. Je parle d'activité agricole, pas des terres agricoles. L'activité agricole est quand même bien moins contestée et contestataire que d'autres activités. Ça va peut-être changer avec ce qu'on a vu récemment sur les algues vertes et autres. Quelles sont les oppositions entre acteurs ? Si finalement on les classe entre acteurs contestataires et acteurs contestés et qu'on reprend les objets des conflits, eh bien on s'aperçoit que les rôles peuvent s'inverser. Je ne vais pas non plus commenter ce schéma à fond, ça prendrait trop de temps, mais on s'aperçoit que les rôles peuvent s'inverser. Un exemple, le rôle des pouvoirs publics par rapport aux zones côtières, selon qu'on se trouve dans la partie plutôt nord, je dirais, de la France, avec un littoral plus industriel, ou plutôt dans la partie sud, c'est-à-dire à la fois sud-ouest, sud-est, jusqu'en Corse, avec un littoral plus touristique. Eh bien, on s'aperçoit que dans la partie du littoral industriel, c'est l'État qui est attaqué, qui est contesté. Pourquoi ? Parce qu'il installe des infrastructures, en particulier les infrastructures de transport, les infrastructures portuaires, les infrastructures liées aux services de la ville, d'énergie ou de traitement des déchets. Il est attaqué par des particuliers, par des associations en particulier. Alors que dans la partie sud, eh bien, c'est l'État qui conteste. Pourquoi ? Parce qu'on a une tendance, dans la partie sud de la France, à voir un débordement des constructions illégales, voire autorisées par des municipalités, des PLU illégaux, qui ne sont pas conformes à la règle, de la cabanisation, de la construction sauvage, etc. Et c'est l'État qui va aller demander de détruire telle ou telle construction ou de ne pas appliquer tel plan local d'urbanisme. Donc on voit que les acteurs peuvent changer, et peuvent changer leur position selon les lieux, selon les types de conflits. Alors, dernière chose à dire sur nos résultats. Finalement, vous voyez, je ne vais pas tellement dans les détails, mais par contre, il me semble qu'il y a un élément qui est important, et qu'on n'a peut-être pas encore suffisamment creusé de notre part, c'est que ces conflits sont des révélateurs. Hein. c'est-à-dire les conflits, ils révèlent des choses. Par exemple, notre approche a été utilisée dans la prospective des espaces ruraux INRA 2030. Pourquoi ? Parce que les résultats qu'il y avait dans lesquels on a participé avec Luc, donc on a été les résultats qu'on avait sur la situation française dépendaient des résultats de l'INSEE et autres qui dataient d'il y a 15 ans. Alors nous, on avait des résultats tout frais avec les conflits, pas complets, mais tout frais. En fait, les conflits sont des révélateurs. Ils ont été utilisés comme des signaux, comme des révélateurs des évolutions actuelles. Bon, et qu'est-ce qu'ils révèlent ? Plein de choses, mais ils révèlent quelque chose qui est intéressant, entre autres, c'est le zonage, donc l'évolution du territoire national en termes de zonage. Bon, c'est une idée qui n'est pas nouvelle, qui ne nous est pas propre, on ne l'a pas inventée. Mais par contre, ce qu'on appelle parfois ce territoire en peau de léopard, on le voit bien apparaître avec les conflits. Et finalement, les conflits pourraient révéler l'existence d'un territoire dans lequel il y aurait quatre types de zones, pour dire très très très très vite. Alors, des zones en voie de patrimonialisation, c'est-à-dire des zones qui font l'objet d'une activité de protection, de préservation, voire même de réservation, c'est-à-dire on ne peut plus y aller, on peut les regarder de loin, à la télé, éventuellement, par un film de Yann Arthus-Bertrand. Alors, qu'est-ce que c'est que ces zones ? Eh bien, ce sont des zones de montagne, les sommets, les paysages, les espaces remarquables, les parcs, réserves, villages, le littoral, avec les côtes, les îles, les fonds marins. Le Conservatoire national du littoral a maintenant acheté et sanctuarisé, par exemple, un nombre très important d'aires sur le littoral qui deviennent des espaces d'exclusion de plus en plus forts. Après, autre type de zone, beaucoup plus banal, si je puis dire, sont les zones en voie d'extension urbaine. C'est certainement les plus dynamiques aujourd'hui. Il y a une dynamique de progression de l'urbanisation, c'est une banalité que de le dire. Ça se passe à la périphérie des grandes villes, mais pas seulement, aussi à la périphérie des petites villes et des moyennes villes, il ne faudrait pas l'oublier. Il y a une urbanisation des espaces, une urbanisation des littoraux, de manière générale, donc avec tendance à s'installer sur le littoral, tendance mondiale. Et il y a une urbanisation générale des espaces, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'espaces, maintenant, se manifestent par un effacement progressif de la distinction rurale-urbain. C'est-à-dire que, finalement, la Belgique, les Pays-Bas, ça commence à devenir un modèle qui est viable dans certaines régions, dans certaines zones nationales, où on a une intermixion entre le rural et l'urbain. Alors, il y a quatre zones. Troisième type de zone, ce sont les zones réceptacles des activités à forte externalité négative. Là, vous voyez, c'est l'économiste qui parle encore. Alors, qu'est-ce que c'est que ces zones ? Je vais les dire de notre manière, peut-être en tant que citoyen, c'est à la fois les zones où on met les infrastructures et les pauvres. C'est-à-dire que c'est des zones dans lesquelles on fait du stockage de déchets, d'épandage, on installe des infrastructures de transport, des infrastructures de production d'énergie, mais on s'aperçoit également que ces zones coïncident souvent avec des espaces de forte exclusion sociale. Alors, je ne vais pas vous faire obligatoirement la caricature de l'Est et de l'Ouest parisien, mais ça se retrouve à d'autres endroits. Et puis enfin, dernier type de zones, les plus nombreuses, les plus courantes finalement, en termes de surface, ce sont ce que nous appelons... Alors c'est Luc qui a trouvé le terme, moi je dégage toute responsabilité là. Je me cache derrière l'ordinateur. Les zones agricoles rurales dispersées. Alors, elles concernent évidemment la plus grande surface du territoire. Qu'est-ce que c'est que ces zones ? Ce sont des zones dans lesquelles l'activité de production agricole est prédominante, qu'elle soit intensive ou extensive, ainsi que l'exploitation forestière. On connaît tous l'augmentation des surfaces forestières ces dernières années, mais également le maintien très fort des surfaces agricoles, avec quand même une intensification qui continue. Donc ça, c'était des résultats, un certain nombre de résultats empiriques. Alors maintenant, un niveau plus analytique. Que trouvons-nous ? Eh bien, un certain nombre de choses que je vais essayer de résumer par des spots, là. Première idée, c'est le lien entre conflit et innovation. Il y a un lien fort entre conflit et innovation, et c'est un lien, mais c'est aussi un double lien. Un double lien, pourquoi ? Eh bien d'abord parce que les conflits sont des bons indicateurs des changements et des innovations. C'est-à-dire, Changement, innovation, quand il y a du changement, ben, ça provoque des résistances. Ces innovations, ce sont des évolutions sociales, techniques, économiques, les nouveautés, des innovations, etc. Et ces innovations, ces changements, ils cristallisent des oppositions. Et cette, alors, par exemple, votre voisin essaye, vous considérez que votre voisin essaye de vous prendre une partie de votre champ, de votre propriété, vous réagissez, petit changement, petit conflit. Changement plus important, plus gros conflit. On essaye d'installer un aéroport Notre-Dame-de-Lande, qu'on a eu, gros changement, donc gros conflit. Extension sociale, ça touche différentes catégories d'acteurs, des acteurs publics, des associations, des privés, etc., qui vont s'allier ou non. Extension spatiale, c'est-à-dire que finalement, on part d'une petite zone et puis on finit par arriver à un concernement des communes avoisinantes, des aires autour, etc. Donc extension sociale et spatiale, donc les conflits sont des bons indicateurs des changements, des innovations. Mais ce n'est pas le seul lien. Il y a un autre lien entre conflit et innovation qui est en sens inverse, c'est que pendant les conflits sont des moments d'innovation sociale, technologique et organisationnelle. Pendant les conflits, se mettent en place de nouvelles formes de gouvernance, de nouveaux acteurs. On reconfigure les groupes, on s'aperçoit qu'on a conflit aussi parce que bah finalement, il y a des gens qui n'étaient pas dans les tours de table. On avait désigné les bonnes personnes, entre guillemets, mais les représentants n'étaient pas les bons. Donc, les gens qui avaient des représentants, mais qui n'étaient pas d'accord avec les représentants. Dans la discussion, dans la négociation, dans la concertation. Il y a des gens qui n'étaient pas représentés, donc qui n'étaient pas d'accord. Il y avait des gens qui étaient représentés, qui étaient d'accord et tout, mais ce n'était pas la bonne hiérarchie. Ils profitent du conflit pour prendre le pouvoir, pour changer ce qu'on s'aperçoit quand on fait des suivis de réunions, en particulier avec les psychosociologues. Hein, bon. Des nouvelles hiérarchies apparaissent. Hein. Et puis, il y a de nouveaux choix techniques aussi. Les conflits sont des moments d'innovation technique et technologique. Par exemple, dans le cas du ruissellement érosif dans le pays de Caux, qui était quelque chose de nouveau, puisque les phénomènes de ruissellement touchaient surtout les régions du Sud, eh bien, on s'aperçoit que le moment du conflit a été le moment d'invention d'un certain nombre de méthodes ou d'actes techniques, création de rétention d'eau, de bétoir, etc., etc., qui ont permis de lutter en partie contre les processus de ruissellement et d'imperméabilisation. Donc ça, c'est la première chose, conflit innovation. Deuxième caractéristique, c'est le fait que les conflits sont souvent de nature préventive. Alors, quand on pense au conflit, généralement, on pense à une cocotte minute, hein, c'est-à-dire quelque chose qui va chauffer de plus en plus, c'est le conflit, on ne peut plus, le conflit explose. Ben, c'est absolument faux. Hein. Grosso modo, les conflits ne sont pas comme ça. Si on fait une distinction entre conflits préventifs et conflits curatifs, eh bien, les conflits d'usage voisinage sont souvent de nature préventive. Un bon cas, un bon exemple, c'est les recours aux tribunaux qui sont déposés à la suite de déclarations d'utilité publique ou d'enquêtes publiques. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que l'objet apparaisse pour le contester. C'est ce que dit la théorie économique, par exemple. On va, ou là, ce qu'on appelle la compensation. On vous construit une tour devant vous, et puis, vous n'êtes pas content, et ensuite, on vient, on vous offre une somme d'argent, et ça marche. Dans la réalité, ça ne marche pas du tout comme ça. Dans la réalité, vous essayez d'empêcher que la tour ne se construise devant chez vous. Donc, les conflits sont préventifs, et ils sont d'autant plus préventifs que la sophistication des outils de la décision publique depuis quelques années a créé des catégories d'acteurs, en particulier associatifs, particulièrement bien informés. Et donc, ces acteurs anticipent maintenant, systématiquement, et dès que se fait la déclaration d'utilité publique, ils vont, ils zestent en tribunal, aux tribunaux, pour s'opposer à la décision. Donc, et les conflits naissent à ce moment-là. C'est-à-dire qu'après, on a toute une phase de conflit qui vise soit à empêcher la création de l'infrastructure, par exemple, soit à modifier sa localisation. Par exemple, on va avoir une route, au lieu qu'elle passe par ici, on va essayer de la faire passer ailleurs, chez les voisins, ou dans un endroit moins peuplé. Ou alors, on va trouver des solutions d'accompagnement de type de compensation ou de type d'actes techniques, protection par bruit, etc. On va trouver toutes ces catégories-là, mais ça va se passer pendant le conflit. Autre point, le lien entre conflit et violence. Les conflits de l'usage de l'espace ne sont que rarement destructeurs ou ultra-violents. Il y a quelques exemples, hein, bien sûr, de violence physique, de mort, etc. Mais c'est quand même relativement mineur. Hein. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces conflits ne visent pas la destruction de l'autre. C'est une grosse distinction entre ces conflits et les conflits armés. Ces conflits ne visent pas la destruction de l'autre, mais ils visent, ce sont des conflits qui se déroulent entre des personnes qui partagent un objectif commun de développement, qui partagent un projet commun, qui désirent vivre ensemble au sein d'un même territoire, mais qui divergent quant aux moyens et aux techniques d'y parvenir, et qui veulent qu'on se développe comme eux le veulent, et non pas comme les autres ou l'autre le veulent. Ils veulent avoir leur propre manière de se développer, et donc ne sont pas d'accord. Donc sont d'accord sur l'objectif, mais ne sont pas d'accord sur la manière d'y parvenir. Ne cherchent pas à détruire l'autre, mais à lui faire rendre gorge, si je puis dire, et donc à imposer leur point de vue. Donc ces conflits sont des modes de coordination, et pendant le conflit, on maintient l'échange et le dialogue, y compris durant les phases d'opposition les plus tendues. Et pendant les phases d'opposition les plus tendues, on négocie. C'est-à-dire, c'est le cas de tous les conflits, même les conflits ultra-violents, même les conflits armés. Pendant les phases les plus dures d'opposition des conflits armés, ce sont des phases également de négociation entre les parties, ce qui est totalement avéré par l'analyse des conflits. On n'est pas dans ce monde-là, mais c'est aussi le cas. Donc pendant le conflit, on échange, on dialogue et on construit. Alors, juste pour essayer d'en donner une petite interprétation, je me référerai aux analyses de Hirschman, et en particulier à son tripode Exit, Voice et Loyalty, qu'il appliquait à l'entreprise, mais qu'on peut tout à fait décalquer ou décliner sur les territoires. Le tripode Hirschmanien, Hirschman nous dit qu'il y a trois solutions finalement dans un territoire. L'exit, c'est-à-dire l'abandon du terrain, ou ce que Thiebout appelle ce qu'on appelle le vote par les pieds. La loyalty, la loyauté, on joue le jeu. J'accepte que la solution... Alors la première solution, l'exit, c'est tellement insupportable ce qui se passe que je m'en vais. Donc par exemple, les pollutions des sols dans le Nord-Pas-de-Calais. Les gens sont partis. Ils ont vendu carrément à prix misérable leur maison et ont préféré s'en aller, quoi. Et donc sont restés les pauvres, là. La loyauté. On joue le jeu. J'ai perdu, mais j'accepte un passage ultérieur. Le prochain coup, j'essaierai éventuellement de présenter aux élections, de monter. Bon, c'est quelque chose qui existe, mais qui est quand même relativement minoritaire. Et puis le voice, la prise de parole, et c'est l'expression publique des oppositions. C'est-à-dire, j'ai perdu, mais il s'est passé quelque chose dans la décision qui a été prise, ne me convient pas, je ne m'en contente pas, je vais faire une expression publique de cette opposition. Ça, c'est la voie d'analyse. Le voice est la voie d'analyse des conflits d'usage et de voisinage. Donc ces conflits sont des prises de parole. Ils offrent une possibilité de prise de parole pour des catégories d'acteurs. Quelles sont ces catégories d'acteurs? Eh bien, ce sont des acteurs qui sont insatisfaits des décisions rendues. Donc je ne suis pas content, on va faire telle infrastructure, je ne suis pas d'accord. On est passé au tribunal, on s'est fait débouter, je ne suis pas d'accord, on va passer devant la presse, on va avoir une action médiatique ou violente. Ce sont des acteurs qui sont négligés dans les structures de gouvernance locale, c'est-à-dire on a finalement des acteurs qui se sont mis d'accord pour prendre telle et telle décision, mais nous, on n'y est pas présent, ou notre représentant ne nous a pas bien représenté, etc. Donc on n'est pas d'accord, etc., etc. On a du voice individuel et du voice collectif, qui est celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, mais évidemment, le voice individuel s'exprime aussi, la prise de parole. Je disais, des randonneurs passent devant chez moi, je ne suis pas d'accord, mon voisin a empiété sur mon champ, je ne suis pas d'accord, il y a une servitude, je ne suis pas d'accord. Donc il n'y a pas que la dimension publique qui est ici présente, la dimension privée l'est également. Alors il faut voir que ces conflits, ils offrent une alternative à deux autres solutions qui sont soit l'exit, c'est-à-dire la sortie du territoire, la sortie du jeu, soit l'attente d'un changement de nature démocratique, c'est-à-dire la loyauté. Dernière chose à dire de nature différente, mais qui est plus dans le domaine spatial ou géographique. Finalement, on s'aperçoit que ces conflits se caractérisent par trois grands modes, trois grandes sources d'opposition. Premier type de conflits sont dus à des superpositions d'usage, c'est-à-dire différents acteurs veulent faire la même chose au même endroit, veulent faire des choses différentes au même endroit. L'un veut faire un parc de loisirs, le deuxième veut faire un espace de nature, le troisième des résidences secondaires, le quatrième implanter une infrastructure de traitement des déchets. Ils ne sont pas d'accord, ils vont s'opposer. Deuxième problème sont les problèmes de contiguïté, les bornages, les voisinages, les servitudes, tout ce qui est les problèmes de frontières de manière générale. Et troisième catégorie sont les voisinages, c'est-à-dire c'est des choses qui se passent en proximité, mais pas en contiguïté immédiate. Et en particulier, ça concerne toutes les questions de pollution de l'air, de l'eau et les questions, les dimensions paysagères qui sont de plus en plus importantes et de plus en plus prégnantes, qu'on retrouve de plus en plus fortement dans toutes nos études. Ah, j'ai presque fini. Donc, un petit exemple. Ça va aller vite. Donc, c'est un exemple qui est issu du travail de thèse de Ségolène Darly, qui a fait sa thèse sous ma direction, et c'est une thèse à la soutenance de laquelle a participé Monique, qui est ici présente, Monique Poulot. Une thèse de géographie qui portait sur l'Île-de-France, et en particulier sur les conflits liés à l'étalement urbain versus les terres agricoles. Et un des exemples était sur les problèmes du plateau Briard en Île-de-France, qui est une zone dans laquelle j'ai essayé de vous montrer très très brièvement un processus de gouvernance avec ses phases de conflictualité et ses phases de négociation. Donc le plateau Briard, je ne vais pas le détailler, j'en serais bien incapable, je serais même relativement incapable de répondre à des questions trop détaillées sur la question, mais donc c'est bien une zone avec une dimension agricole importante dans le périurbain francilien. Ce plateau Briard se manifeste par une histoire de conflictualité et de gouvernance, je devrais dire, qui est contrastée depuis les années 70, et le plateau Briard fait face à une progression du front urbain, un étalement urbain. Donc dans les années 70, alors vous voyez, c'est les conflits, hein, les petites bombes rouges là. Donc les années 70 se marquent par une série d'innovations territoriales autour de la lutte contre l'urbanisation. Donc il y a un événement fondateur qui se passe dans les années 70 avec des oppositions locales et du préfet contre le projet d'urbanisation de la plaine. Et puis bon, on voit apparaître dessous, vous voyez, toute une série de changements. Le conseil municipal vire, donc c'est des agriculteurs qui étaient à la tête, ils sont virés, bon, etc. Je passe sur le détail. Et puis, on voit apparaître un certain nombre d'éléments, un POS, une société foncière locale, une rétrocession à la SAFER, la création de domaines horticoles au niveau local, donc des opérations d'aménagement du territoire. Les années 80 sont relativement calmes du point de vue de la conflictualité. Donc, on voit pas, mais se manifeste par des tensions croissantes autour de la question foncière, je dirais, donc la pression. L'urbanisation est là, donc avec des contradictions, avec à la fois des friches et de l'installation urbaine. Et puis les années 90 et 2000 marquent un retour des conflits qui s'intensifie à la fin des années 90, début des années 2000. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on est justement sous cette pression du front urbain dans lequel se manifeste toute une série d'oppositions quant à la destination des terres, aussi bien au niveau privé qu'au niveau des PLU, des POS, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà un processus de gouvernance dans lequel on voit bien qu'on a des alternances de phases de conflictualité, des phases de négociation, de phases plus calmes, de phases plus hautes, etc., etc. Alors, quelle conclusion provisoire, bien sûr, tirer de tout ça, et quelle conclusion tirer en termes de conflits et de gouvernance des territoires. Donc, vous l'avez vu, j'ai commencé pour présenter un peu un overview sur les questions de gouvernance. Après, je suis venu au conflit, j'ai signalé que la gouvernance n'intégrait pas suffisamment la dimension conflictuelle, ou qu'on opposait coopération d'une part et conflit de l'autre, ce qui me semble une idée aberrante. Et donc la première conclusion, c'est qu'il n'est pas judicieux d'opposer les dynamiques de conflit et les dynamiques de coopération. En fait, il faut les comprendre comme relevant d'un même processus de gouvernance des territoires. C'est-à-dire, pensez à un encéphalogramme. Donc la gouvernance, le développement, c'est un encéphalogramme sur une ligne. Et puis on a des phases de conflictualité, puis des phases de calme, et puis des phases de négociation, des phases de conflictualité, etc. etc. Donc, il faut penser quelque chose comme ça. Et aux phases de conflictualité haute vont correspondre un peu moins de négociations, etc., etc. Mais on va toujours avoir en permanence les deux dimensions qui vont être présentes. En fait, ce sont les deux phases d'une même pièce, ce sont les deux phases d'un Janus bifrons, hein, c'est-à-dire qu'en réalité, eh bien, on est dans une dynamique de gouvernance qui s'appuie à la fois sur des dynamiques de négociation, de concertation, de coopération, on est comme ça, et qui s'appuie dans le même temps sur des dynamiques de conflit, de tension et donc de dissension générale. Hein. Évidemment, l'importance réciproque de ces phases de conflit, de ces phases de coopération, varie selon les périodes ou les situations, comme on a pu le voir très brièvement dans le cas du plateau Briard. Alors, on a une interaction donc entre des forces qui poussent à la coopération et des forces qui poussent au conflit. Alors, ces tensions et ces négociations, elles prennent des formes multiples, hein, des controverses, des disputes, des négociations au niveau local, des concertations, des groupes de réflexion, etc. Tout ce qu'on connaît, hein, dans les procédures de gouvernance. Hein. Donc c'est une alchimie complexe, et c'est une alchimie complexe qui est à la base des évolutions des systèmes locaux, qui est à la base des évolutions des territoires. Et donc on a finalement un processus de gouvernance qui présente deux phases complémentaires, une phase conflictuelle et une phase de nature coopérative. Je vais répéter une phrase. Cette gouvernance territoriale, elle se nourrit donc des deux phases. Donc d'abord des phases hautes de conflictualité. Alors qu'est-ce qui se passe pendant les phases hautes, les phases fortes de la conflictualité? Eh bien, ce sont les moments où s'expriment les oppositions et les points de vue, donc la prise de parole. Mais ce sont également les moments où se nouent les alliances fondatrices. Hein, parce que c'est là qu'on recompose les alliances, qu'on recompose les groupes et qu'on se met en marche pour le futur pendant ces phases de conflit. Ça bouge. Et puis après, la gouvernance territoriale se nourrit également de phases plus consensuelles. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces phases plus consensuelles? Eh bien, on met en place des accords entre les parties, des accords qui n'ont pas toujours été rendus visibles avant, mais ils ont été pris. Là, on va peut-être les formaliser, on va leur donner une réalité. Hein. Ce sont également des phases dans lesquelles se mettent en place les concessions et les renoncements mutuels. Et ce sont les phases dans lesquelles se mettent en œuvre les projets communs. Ces fameux projets communs qui ont été décidés ici, pendant les conflits. Et là, on va les mettre en œuvre. C'est les phases de mise en œuvre. Donc elles sont beaucoup plus visibles, évidemment, dans leur opérationnalité et dans leur caractère rendu au public, mais elles ont été initiées, elles ont été préparées pendant les phases de conflit. Donc, dernière chose, je crois que c'est la dernière chose. Ah non. Donc, toujours sur ce sujet-là, donc, les conflits constituent un complément et une alternative au processus de vote. C'est-à-dire que, vous savez bien, hein, par exemple, le processus de vote aujourd'hui, comme on le retrouve en France, on vote relativement rarement, disons. Parce qu'on vote trop souvent, mais enfin, c'est quand même relativement rare. Quoi. Ce sont des événements exceptionnels. Il est clair qu'on ne peut pas donner toute dévolution, ni trancher toutes les questions à chacun de ces votes. Et donc, les conflits, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils expriment les avis des populations et ils permettent de rectifier éventuellement aussi le tir si les personnes à qui on a donné mandat ne font pas comme on veut ou comme on le souhaiterait. Hein. On n'a pas donné un mandat qui était si clair que ça. Donc, c'est une expression des oppositions et de recomposition des pouvoirs. Autre chose, les conflits conduisent à des accords non unanimes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus. Alors, on sait bien, il n'y a pas de consensus sur les projets de territoire, il n'y a pas de consensus sur le développement territorial. Mais ce sont ces accords non unanimes, ce sont ces accords inégalitaires, hein, qui constituent le ferment ou les ferments de la dynamique des territoires qui permettent de mettre en place des projets communs. Évidemment, ces conflits sont exclusifs, ces accords permettent d'exclure d'autres points de vue, d'autres forces sociales qui sont porteuses de projets d'aménagement, de projets de société différents, et au cours du conflit, on peut les écarter pour avancer et pour se développer. Donc, ça sera la dernière chose que je dirais, hein. Il n'est pas judicieux, et il est vraiment vain, hein, de chercher à juguler les conflits. On ne peut pas, c'est quelque chose qui est impossible, hein, de chercher à juguler les conflits. On ne peut pas, c'est un peu comme que quelqu'un qu'on empêcherait de fumer, il va se mettre à boire. Hein, donc, voilà, je vais faire un conflit ici, ça va se passer ailleurs. On a plein d'exemples, en particulier dans l'île de France, où on a fait des périmètres, en particulier dans les programmes agri-urbains, dans lesquels on fait une négociation, de la concertation à fond, quoi, entre très peu de personnes. Alors, il n'y a pas de conflit du tout. Puis, juste à la frontière, on va se développer un volume de conflits absolument extraordinaire. Quoi. Juste à 50 mètres du programme agri-urbain. Il est irresponsable de dénoncer les conflits comme des attitudes irresponsables. C'est-à-dire, parler du nimbisme est totalement irresponsable. Ça se considérer que les êtres humains doivent avoir un comportement angélique et n'ont pas le droit d'avoir des stratégies ou des perceptions différentes. Donc le phénomène nimbisme doit être dénoncé comme quelque chose qui est antisocial. Le conflit peut être fécond. Le conflit peut être fécond quand il est non violent. C'est-à-dire quand les acteurs ne s'opposent pas sur le projet, mais sur la manière d'y parvenir. La différence entre conflit armé ou conflit violent et les conflits que nous rencontrons ici. Ce qu'on peut dire pour terminer, c'est que trop de conflits entravent le développement. Dans une zone où il n'y a que des conflits, il y a de la violence, des oppositions systématiques, vous ne pourrez pas vous développer. Mais en même temps, trop peu de conflits entrave le développement, ne permet pas de se développer. Vous connaissez des sociétés où il n'y a pas de conflit ? Ça s'appelle des dictatures. Donc trop peu de conflits ne peut pas permettre l'expression des oppositions, ne peut pas permettre l'expression démocratique. Et donc entrave le développement. Donc il faut apprendre à vivre avec les conflits, il faut apprendre à gérer les conflits. Ah bon, il n'y a rien d'autre. Merci. C'est censé y avoir être ici. Merci de votre attention. Ça vient de toi.